sais plus quoi faire pour trouver en toi la force nécessaire de franchir le pas. Lorsque tu la vois, toi tu voudrais la prendre dans tes bras à tout jamais. C'est Gibson Flying V qui te fait rêver. Elle n'est pas pour toi, alors tu repars dans l'espoir de revenir plus tard. T'arrives au boulot en retard et tu vas voir celle qui te comprend et t'écoute tout le temps. Cette machine à café qui s'est écouté. Cette machine à café, ton patron en avait marre, alors il t'a viré avec pour motif absence répétée. En sortant, tu l'as rencontré et depuis vous ne vous êtes plus jamais quittés.